On va parler de soccer. C'était une nouvelle qu'on attendait. C'est pas une surprise du tout. Gnassio Piatti quitte l'Impact de Montréal. Il a été au cours des 6 dernières années probablement le meilleur joueur de l'histoire de l'Impact de Montréal depuis qu'ils sont à la MLS. On en parle avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer de Saint-Jean. Salut Benoît. Salut Danny. Benoît, es-tu... c'est pas vraiment une surprise. Gnassio Piatti, on sait qu'à partir de l'an dernier, il ne voulait plus vraiment jouer avec l'Impact. Non, c'est ça. On l'a vu dès la fin de saison, à l'automne dernier, quand on a fait des conférences, et le bilan de la saison, il n'y est pas allé. Je pense qu'au niveau personnel, là, à l'âge qu'il est rendu, à retourner en Argentine, à retrouver sa famille, comme il l'a mentionné, il faut saluer ce joueur-là qui a contribué quand même aux dernières années au succès de l'Impact dans les... Quand on parle de la Ligue des champions CONCACAF il y a 4-5 ans, les parcours en série MLS, le championnat canadien qu'ils ont remporté, le dernier qu'ils ont remporté, qui les amène en Ligue des champions, c'est dommage qu'on ne le verra pas la semaine prochaine. À deux semaines dans le début de saison, c'est sûr que c'est difficile. Quel impact a Danny en plein son année d'option, voulait acheter d'aller chercher des joueurs avec ça, à contrepartie. C'est peut-être la stratégie qu'on a voulu faire au niveau de l'Impact. Tu sais, on ne sait pas tout ce qui s'est passé dans l'histoire, mais ça se termine bien quand même. On voit que le président plutôt a bien salué Ignacio. Lui, il a fait le même de deux côtés. Et c'est le meilleur départ qu'on a eu, là, si on regarde Simon, si on regarde Drogba, si on regarde Rémi Garde aussi. Tu sais, je pense que malgré que c'est décevant à ce moment-là, là, mais on était rendu là, on savait, je pense. Ah oh oui, effectivement. Là, qui va marquer des buts? C'est la grande question, parce que le mercato d'hiver, le mercato d'hiver, à quelque part, c'est pas autant accéléré que le mercato d'été. Là, tu sais, quand normalement, on l'a vu il y a 2 ans avec Rémi Garde, le début du camp d'entraînement, le début de la saison est aussi important que la fin de la saison. Donc, qui va marquer des buts maintenant? Il va falloir espérer qu'avec le staff en présence qui va être là, les joueurs qui vont être là, qui vont être capables de soutenir l'offensive de l'Impact. On faut parler à l'Espagnol, faut penser à l'Espagnol Boyan, qui était pas en début de saison l'année passée, qui peut être une bougie d'allumage pour l'Impact, mais oui, je suis d'accord que là, on vient de perdre quand même là, le joueur désigné de l'Impact, le marqueur depuis les dernières années. Il va y avoir des rumeurs d'aller, hein. J'en ai vu passer une justement aujourd'hui, là, tu sais, je l'ai vu justement sur ma page Facebook, là, Olivier Giroud de l'équipe de France qui... Ben oui, on va en parler d'ailleurs dans quelques instants, si tu permets, mais là, ça va être difficile, là, par exemple, pour l'Impact de recruter, hein. Je veux dire, le début de la saison, là. Tu sais, il y a deux matchs, un match en concours, on n'a même pas marqué de but, là. Ouais, deux matchs, aucun but. Ce qui est dommage, qu'on n'est pas capable de voir ces matchs-là presque ici, dans la zone à Montréal, c'était impossible. On n'était pas capable de voir ça, même en streaming ici. J'ai fouillé un peu partout sur les sites, c'est impossible. Oui, il va manquer de défensive, on l'a toujours dit. Est-ce que Balou Dablor, est encore jeune, est-ce qu'il va être capable de relever ce défi-là? Jackson Hamel, qui les deux dernières saisons, ça a été difficile. Est-ce qu'il va être capable aussi de le même défi que Dablor, en fait? Mais il va y avoir des rumeurs, comme je te dis. Check bien les noms qui vont sortir, Danny. Là, j'ai bien hâte de voir toute la panoplie de noms qui vont sortir. Mais quel sera l'élu à Montréal qui va accepter le projet de venir à Montréal? Hein? C'est toujours ça. Est-ce que Thierry Henry va dire on va probablement pas le choix de débuter la saison comme ça? Mais ça commence un peu mal d'aller jouer le match là, au Costa Rica là, contre le club de Saprissa. Ça inaugure, c'est un petit peu dommage. On pensait bien voir Piatti et depuis les dernières semaines, on a vu la saga. Je pense que c'est mieux que ça se termine comme ça. Là, RDS annonce qu'il y a probablement qu'il y a un nouveau joueur qui s'en vient. C'est sûr que quand on transfère un joueur, il y a toujours de l'argent qui sont. C'est toujours une question d'argent. Donc, on aurait fait une place internationale, on aurait obtenu une place internationale des Timbers de Portland. Donc, il faut peut-être s'attendre à quelque chose au cours des prochaines journées, une annonce. Oui, Olivier Renard, ça ressemble à un gros scandale, ça, hein? Ouais, encore une autre affaire. Encore une, on va dire d'aller une tuile encore sur la tête de l'impact du club de Montréal, ouais. Club montréalais. On n'a pas besoin de ça en ce début de saison avec l'arrivée de Thierry Henry. On se souvient comment ça a été accueilli l'arrivée de Thierry Henry maintenant. Le départ de Piatti, qu'est-ce qui est arrivé hier à Olivier Renard? Écoute, j'ai écouté pas mal ce qui s'est dit pas mal là, avec les réseaux montréalais, le web et puis RDS, TVA Sport un peu. Et puis écoute, le monde du foot, il y a tellement d'argent qui bouge là-dedans. Et en Belgique, c'est quand même un championnat renommé aussi en Europe. Et Olivier Renard, ben, écoute. J'espère qu'il ne sera pas coupable de ça. Il a même parlé, je pense, qu'il allait aller en cours avec ça, qu'il allait relancer une plainte avec ça pour pas ternir son image, mais c'est encore une tuile pour l'Impact. S'il faut qu'il soit pris là-dedans, ben Renard ne sera peut-être pas très très longtemps avec l'Impact de Montréal non plus. Non, c'est sûr que là, on va surveiller ça de près, parce qu'après ça, l'Impact, c'est difficile quand même de mettre de continuer par après, là. Tu sais, c'est ça. Ben, ouais. Tu sais, Danny, là, il y a toujours là, Olivier Renard, Thierry Henry, ils ont des contacts en Europe. Et comment attirer un joueur? Oui, on veut y aller avec les jeunes de l'Académie, mais il reste que ça va prendre aussi un nom marketing aussi. Le monde de Montréal a besoin de ça aussi. Les fans ont besoin de ça. Ont besoin d'un nom qui peut remplir le stade. Et ça prend un marqueur à ce niveau-là. Mais ça prend un beau projet pour attirer ces gars-là, même si le gars est avancé en âge ou quoi que ce soit. Donc, à voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir une annonce? Comme tu dis, il va peut-être avoir des annonces d'ici peu. Mais pour avoir un gros nom, une tête d'affiche pour le début de saison, je pense pas qu'on l'ait tout de suite. Là. Ouais, effectivement, on va peut-être attendre au mois de quand le mercato d'été va arriver. Benoît, la voix d'espace soccer.com, la référence du soccer au 5-Saint-Jean. Gros merci, on s'en reparle bientôt. Yes, merci, Danny. La voix du soccer au 5-Saint-Jean, Benoît.